Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue ici dans cette émission Johnny de A à Z spécial confinement. Et là nous sommes actuellement au hors-série numéro 16. Oui, d'habitude cette émission est diffusée à la radio sur RIG 90.7 de la bande FM, sur Bordeaux bien entendu, et aussi sur le net www.rigfm.fr. Mais période de confinement oblige, on le fait, les émissions à la maison tout simplement. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une heure d'émission. Dans l'émission, là, et voilà, j'avais répété, c'est pas celle-là, c'est celle-là, Johnny de A à Z. Et nous allons écouter une programmation assez basée sur les bootlegs. On va retrouver Johnny Hallyday à Gagny, c'était en 1987. On va retrouver Johnny à Bercy en 2003, le 21 décembre. Et puis aussi, on va le retrouver à Montpellier en 2012, le 12 mai exactement, pour la première date de son concert, on va dire, jamais seul, entre guillemets, hein, car il n'avait rien de jamais seul, puisqu'il n'y avait aucun titre de cet album-là. Et là, on va partir tout de suite du côté donc, de Reims, c'était le 10 mars 1980. Johnny nous interprète donc son ange aux yeux de laser. On va retrouver les titres « Moi je t'aime »,« Le feu »,« Entre mes mains »,« Ma gueule », oui, c'est bien le concert du Pavillon de Paris, Porte de Pantin, qui développé. Dans toute la province de France, bien entendu. On est parti pour une heure de plaisir pour tout le monde. Et puis je vous rappelle que cette émission est aussi le lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 17h. On y va, Reims tout de suite. C'est pendant un petit quart d'heure. Ici, dans Johnny de A à Z. Bonne émission à toutes et à tous. Thank you. suffire pour m'enchaîner. J'ai le cœur qui est fou. Johnny était à Reims le 10 mars 1980. Voici tout de suite, toujours à Reims, hein, entre mes mains et après on aura ma gueule. Et vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Je me souviens tout paraissait facile. Et elle m'aimait, et je l'aimais. Mais l'amour c'est fragile, plus fragile que je voulais. En entre mes mains, non j'aime bien. Tout se brise. Johnny avec son costume indien tout en bleu, c'était pendant la période 1980. Il y a des fois de voir ma gueule sur, en plein écran, vous allez entendre la gueule de Johnny. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Bon, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au vent. Souvent un seul regard suffit pour vous planter et qu'un couteau. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Gueule et moi, on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Ah, ma gueule, mais qu'est-ce que là, ma gueule? Johnny Hallyday en 1980 à Reims. Oui, oui, très bon Tipiak. Oh, faut peut-être un petit peu l'arranger, mais sinon, voilà, très bon concert. Comme je disais, très belle autre interprétation, différentes émotions qui dégageaient et énergie qui dégageait lors de ces concerts. Et j'adore entendre des variantes de concerts que celles qu'on connaît officiellement. Et pour la suite, nous allons passer à 1980. Nous allons gagner, c'était le 13 novembre 1987. Johnny Hallyday va interpréter, il demande au public qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Et il va interpréter Bebopalula et Walla Shaking Going On. Mais juste avant, il nous fait une petite surprise qui déplaît, mais en rigolant, hein, au public. On écoute ça tout de suite, Johnny Hallyday à gagner.

c'était Johnny Hallyday, a gagné le 13 novembre 1987. En 1994, Johnny Hallyday était l'invité d'honneur de l'émission Taratata qui était diffusée le 23 décembre 1994. Cette émission avait été enregistrée le 26 octobre 1994, deux jours après, je crois, deux ou trois jours après, oui, après sa période de rodage à Lyon et à Toulon pour le fameux Rough Town Tour. Et Johnny avait fait cette émission à Taratata juste avant de faire les 5 dates à la Cigale. C'était un Johnny très en forme que nous avions retrouvé lors de cette émission. Et il nous avait interprété I wanna make love to you, fall for the blues, can't stop watching you, love affair. Et puis aussi un duo avec Florent Pagny. Et puis aussi il avait retrouvé Mickey Jones pour un petit duo avec le groupe Foreigner sur Hey Joe. Mais on va pas écouter cela, on va écouter les deux titres d'entrée. On va écouter le titre Can't Stop Wanting You et Fall for the Blues. C'était Taratata le 23 décembre, oui, diffusion le 23 décembre 1994 sur France 2. On écoute ça tout de suite, bien entendu, et vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Ouais. We'll be right back. I'm still a fool for the blues. Eh oui. Petit souci d'écran, tout va bien, ne vous inquiétez pas. J'espère que, aussi, que vous allez très très bien, que vous suivez cette émission Johnny de A à Z en bonne compagnie. Oui, oui, oui, vous êtes avec ma compagnie, c'est impeccable ça, c'est magnifique. Je suis en train d'arranger un petit truc en direct. Évidemment, j'adore faire les choses à la dernière minute. Ça c'est pour ne pas changer. À présent, nous sommes en 2003. Johnny avait fait une tournée plus près de vous, elle s'appelait. Johnny a fait 4 dates auprès de... je fais les trucs en même temps. Il fait 4 dates à Bercy, Paris Omnisport de Bercy. Il clôturait donc sa longue série de concerts. Et l'un des rares spectacles parisiens de la star ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion de DVD. Et le soir de la dernière, le rocker déchaîné met le feu au piano après un hommage à Jerry Lewis sur le titre Walla Shaking Going On. Et ça, c'était le 21 décembre 2003. Je vous propose d'écouter 3 titres de ce soir-là. C'était... trois titres, Je n'ai jamais pleuré, Le cœur en deux et L'instinct. C'est ça quand on fait, quand on prend pas le temps de faire des choses comme il faut et en direct en plus. Parce que là, pas de session de rattrapage, impossible de rattraper ça en direct. Tout de suite, Johnny Hallyday à Bercy le 21 décembre 2003. Je n'ai rien oublié. On m'a meurtri, on m'a banni, on m'a trahi, on m'a haï. Et moi, je n'ai rien dit. Je n'ai jamais pleuré. Si j'avais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer. Si j'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. N'ai jamais pleuré. On m'a connu, on m'a laissé tomber dans les escaliers. Je me suis relevé. On m'a dit, on m'a sorti, on m'a promis. De justice, on m'a repris. À l'ombre, j'ai dormi. Mais je n'ai jamais pleuré. Si j'avais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer. Si j'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. On m'a cassé, on m'a vexé, insulté, bien souvent déchiré, comme une feuille de papier. On m'a menti, on m'a sali, anéanti, à mes dépens j'ai appris, qui étaient mes amis. Je n'ai jamais pleuré. J'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. Je n'aurais jamais pleuré. J'avais commencé, je n'aurais pas pu m'arrêter. à Bercy pour l'ordre de la tournée plus près de vous. C'était le 21 décembre 2003. Et là, c'était la grosse surprise de ce concert. Laissez mourir mes manteaux dans un cloison de ma mémoire. Avec mes violences de star et mes chimères de château, je vais les bouteilles que j'ai bues, les filles que j'ai bien voulu prendre, puis les faux amis que j'ai connus, les matins tristes au bout de cendre. Que l'on m'ouvre le cœur en deux, on y trouvera ton visage. Ce sera mon dernier orage. Comme un mal qui ronge mon cœur, travaille toujours sur ma peau. Je comprends bonheur et douleur entremêlés dans un sanglot. Voyant s'enfuir les cheveux, mais lui ont perdu la vie. Mon corps est comme un cimetière où brûle ma propre croix de feu. Cette chanson, c'était une très ancienne chanson que j'avais enregistrée il y a fort longtemps, chanson de Pierre Billon et Jacques Revaux. Et moi, j'avais complètement oublié. Et un jour, Laetitia m'a dit, tu te rappelles pas cette chanson, tu devrais la chanter. Et c'est vrai que je n'avais jamais chanté sur scène. Donc c'est un petit peu mon cadeau de fin d'année que je vous fais ce soir. Vous écoutez l'émission J2AZ, Johnny est à Bercy en 2003. La tournée plus près de vous. Ils veulent chanter l'instinct. Nous connaissons la version en duo. Voici en solo. À Bercy, c'était en 2003, du 21, dernière date, 21 mai. Tout ce que tu dis, Merci. Merci, merci, merci. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z le lundi, le mercredi, le vendredi à 17h. Et là, on va bientôt finir cette émission avec un petit tour du côté de Montpellier. Souvenez-vous, si vous y étiez, c'était lors de la... Johnny a entamé sa... Il avait fait une petite partie aux États-Unis en 2012. Puis après, il a fait une petite tour au Québec également. Il est revenu en France. Il a commencé sa tournée Jamais Seul à Montpellier où il est resté 4 dates. 4 dates, le 14, le 15, le 16 et le 18 mai, si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà. Je vous propose d'écouter 4 titres. Johnny avait interprété lors de la première soirée du 14 mai. Autoportrait, oui, et le chanteur abandonné. Eh bien, on va écouter ça d'ici quelques secondes dans cette émission-là. Eh bien, oui, hein, c'est parti, hein. Confiné, nous voici confinés, hein. J'ai plus rien à la télévision, mais c'est pas grave, si ça revient, voilà. Tout va bien, vous écoutez l'émission Johnny de la Z, qui est en principe est sur la radio RIG, mais là, on le fait à la maison. Johnny à Montpellier en 2012. Je suis fort, je suis tout ce que tu veux. Un ténor, un printemps, un prince, un prétentieux. Un tatoué, un balai, j'ai une idole un peu heureux. Un timide mal à l'aise, et qu'on est plus que deux. Je suis fier, je suis con, on peut dire, je suis heureux. Je suis content, je me prends au sérieux. Je suis moi, je suis moi, quand j'arrive sur la scène. Je suis né, je suis quoi, quand je te fais une scène. On m'a fait tant de beaux portraits, qui ne me semblent pas très beaux traits. J'avoue que je ne sais plus vraiment. Si un jour toi tu m'abandonnes, ah, je suis fou, orgueilleux, infidèle. Je suis doux et jaloux, bien pensant et rebelles. Si moi je suis lourd, je suis tout ce qui existe. Je suis pas de la faute, je suis le bel artiste. Johnny à Montpellier le 14 mai 2012. 4 dates. Le 14, le 15, le 17 et le 18 mai. Ça y est, Johnny a été. On va écouter la suite. On va écouter la suite. Dégage l'envie. Juste après, nous aurons fini cette émission. Nous aurons le chanteur abandonné. Oh, Tu es un retour au-dessus de sa part. Assez bien tu sens qu'il fait le lieu de moi. Si je te vois tout que ton élan, je te rappellera de mon nom. Regarde, tu vois, la vie de venir. Regarde, voyez la gamine de la soleil. Sans personne, mais et à la trompette, Mr. Harry Kim. Ce sont les Nine Street Arms. Thank you. ici pour que j'aime le geste, pour que j'aime le silence, pour me faire des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, et pour que j'aime être sans vaincre la maladie, pour me donner la vie, pour que j'aime le jour. Pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. À l'instant, dites-vous bien que l'émission est bientôt touche à sa fin et que d'ici quelques secondes, on va retrouver John Hayden qui interprétait Le Chanteur Abandonné à Montpellier le 14 mai 2012. Et juste après ce titre-là, il l'abandonnera. Abandonné, c'est bon d'être heureux, vu comme c'est bon d'oublier que tellement de lumière, ça peut faire mal aux yeux. Et il fait le vide dans sa tête, il fait le vide dans son cœur. Que le blues est inventé pour c'est lui, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui l'ont voulu aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui cette émission Johnny de AZ spécial Potlex. Oui, on avait retrouvé Johnny D à Reims en 1980, à Gagny en 1987. On a retrouvé aussi le Taratata, mais ça c'est pas de Potlex, c'est passé à la télévision. Merci 2003, peut-être qu'on aura droit encore un jour, j'espère prochainement, hein, à ce concert en DVD, en CD et tout ça, on verra bien. Et puis pour finir, Montpellier en 2012. Merci encore à tous de votre fidélité à cette émission. Je vous donne rendez-vous vendredi à partir de 17h. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.